Les presses syriennes ont traité la journée de la brillante étoile. La télévision centrale a rapporté avec ses photos des activités révolutionnaires que le général Kim Jong-il a renforcé la Corée en puissance politico-idéologique et militaire invincible et a jeté la base de l'édification d'un État puissant socialiste malgré les menées d'isolement et de suppression des forces impérialistes alliées sous la coupe américaine. Elle a émis les séquences montrant la fière réalité de la Corée du Tchouché qui se développe sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un. La radio centrale a expliqué spécialement les exploits immortels du général Kim Jong-il, premier pionnier du Sun-gun et homme politique éminent. L'agence de presse Sana a présenté que le général Kim Jong-il a défendu et fait briller les exploits du président Kim Il-sung et a conduit la Corée au progrès et à la prospérité avec les photos du général. Les journaux Al-Bas, Tishulin et Al-Sawran ont exalté les exploits du grand penseur et théoricien et du grand homme sans pareil sous les titres comme « La Corée célèbre le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il ».